Et on va clôturer l'aspect française de ce soir avec une doublette pas forcément moins violente que le dernier focus de Haut et Court qu'on vient de s'écouter. Avec tout d'abord une nouveauté, Sépulcre. Ça nous vient de Bretagne, un petit all-star band du Death Crassou. Dedans, on retrouve des membres de ex ou actuels Cadaveric Fumes, Venefiction, Necrowreck. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Executor, Godtorment. Qu'est-ce qu'on a même d'autre encore Skeletal, etc. Enfin, c'est très chic, Sépulcre. C'est true as fuck et c'est trop cool. Un nouvel EP, pareil, des titres assez généreux, hein, dont un morceau de clôture de presque 10 minutes. Cursed Ways of Cheol, c'est le nom de ce nouvel EP de Sépulcre, nouvel et premier. Et en doublette et en clôture de l'aspect française, RAN, cette formation grindcoreisante qui nous vient de Lyon. On est sur du grindcore punky crust et un peu death par-dessus. Atrabilar, c'est le nom de ce nouvel effort studio pour RAN, une sortie Lixiviat, hein, c'est notamment le label qui vient de sortir le dernier album de Blockheads. On s'écoutera le titre Big Mouth, et juste avant ça, Sépulcre, Aether Emanation, c'est parti. le groove et la teuf pour Ran. On retrouve une toute dernière fois l'ami Thibaut dans l'émission de ce soir, parce qu'on approche tranquillou de la fin de l'émission. Il ne nous reste plus que trois doublettes à s'écouter. Là, c'est pour un focus date de concert. Oui, voilà, bah, c'était juste l'histoire de présenter un petit peu les dates à venir. Il y en a que deux que j'ai notées. Tu vas avoir le Winter Rip là, qui va avoir lieu donc en novembre, le 20. Pas du le... Non, 17 décembre, pardon, c'est bon, je me suis réaligné. Bravo, bravo. Hein. Le 17 décembre, on aura donc en tête d'affiche, c'est Suicidal Angel, le groupe de thrash grec. Ils seront accompagnés par Verbal Razor, du coup, qui joue juste en dessous sur l'affiche. On a In Other Climes, groupe de hardcore de Nice. On a Love, le groupe de Power Violence. Et après, Grandmaster Krang, Pavement Punishment, Ariel Tombal et Project 86. Projet 86, pardon, c'est en français. C'est au 37e parallèle. Je crois que c'est Saint-Pierre, c'est ça? Pas du tout. C'est dans la zone de Tournord, derrière croisement entre le quartier de l'Europe et quartier Choiseul, bah pas très loin d'ici, du coup, okay. Pas très loin de béton. Et c'est 16€ en pré-vente, voilà. Donc le 16 ? Non, 15. 15, 16. Et 16. Ouais, je sais plus. Voilà, et du coup, bah, comme à chaque fois qu'il y a un gros événement du genre signé Riposte Asso, on aura l'occasion de savoir une petite interview de Émile, du coup, programmateur au sein de Riposte. Pas le week-end prochain, mais le week-end d'après, voilà, ça s'est confirmé là tout à l'heure. On vous l'annonce là tout de suite, donc ce sera voilà, d'ici deux semaines, on aura l'occasion d'en parler plus en détail de cette nouvelle édition, nouvelle formule, parce que notamment nouveau lieu, voilà, pour l'édition d'hiver du Ripfest. Et qui nous intéresse un peu plus, parce que un peu plus proche sur le calendrier, puisque après-demain soir, une date qui s'annonce déjà d'anthologie aux oui, Canadiennes. Bah, une date signée Catharsis. Donc tout ce qu'on attend de Catharsis, c'est-à-dire des vestes Apache et des cartouchières. C'est génial. Du coup, c'est mardi soir, ce sera comme d'habitude au Cana. On a Witch Trap, c'est ça ? En groupe colombien qui nous fait du trash old school. Et accompagné par Terror Hammer, un groupe de Black Speed serbe qui a été fondé en 2010. Et ça va être génial. C'est 5 balles, c'est au Canadian. Venez vers, je crois que c'est 19h ouverture. Enfin, voilà, 19h30, soyez présents pour s'en jeter une. Et puis après, ça va, comme tu dis, ça va envoyer de la cartouchière pendant 2 heures. Ouais. Et ça va être extraordinaire. Comme d'hab. Voilà, les soirées Catharsis placées sous le signe de la qualité, de l'originalité. Et du coup, pourquoi c'est intéressant de parler de Terror Hammer? Tout simplement parce qu'ils sortent un nouvel album. Une sortie sur le label français en plus, Osmose Production. Ça fait partie des nouveautés de ce soir dans l'émission Getaways to Hades. C'est le nom de ce nouvel effort studio signé donc Terror Hammer. Terror Hammer, il y a tout ce qu'il faut où il faut. Hein. On est sur du vieux Black Speed, enfin du Black Speed Trash typé première vague. Ça se présente pas en fait, faut venir le vivre ce type de soirée. J'ai vraiment fort hâte d'être à mardi soir. Voilà pour cette date de mardi au Cana. Et en doublette avec Terror Hammer, juste avant ça, Acid Witch, le groupe de Doom Death ricain, Horrific Doom Death qui nous sort un Rots Among Us. C'est pilotage automatique, mais c'est toujours classique, cool, efficace, Acid Witch, Evil Dad, Dad by Dawn, coucou Dayside. Et on reste sur un truc placé à l'aube avec Terror Hammer, At Dawn We Attack. How does an urban legend form? Do you ever wonder that? How it seeps into the mind of man, where the starting point is at? Well, take a trip with the witch you see on this dusky. '74 in Texas, it begins with a man named Ronald Clark. A maniac! Who is that? An idiot, so I'm going to claim the fame. It is always someone else. Voilà. C'était Terror Hammer et ça joue mardi soir au Cana et il faut vraiment blinder ce putain de bar parce que la soirée va être extraordinaire et ça fera du bien au compta de Catharsis. On continue avec 16, formation Sludge Riken. Ça parle de drogue, de violence, de dépression, de colère, c'est... voilà, c'est festif, convivial. Le groupe a splitté début des années 2000 et ils sont prolifiques depuis leur retour hein, quand même. Ça doit être le 9e effort studio Into Dust. Ce nouvel effort studio de 16 est déjà dispo chez Relapse Records. C'est la dernière nouveauté dans l'émission de ce soir. On s'écoutera le titre Miss Fortune Taylor. Pourquoi je prononce comme ça, n'importe quoi. Il est quelle heure, il est fatigué hein, le garçon. Et en doublette avec 16, Trinitas, formation allemando-suédoise qui nous fait du black avec un petit all-star band qui réunit Tormentor, Varger et Azathoth. Bah, tout simplement des ex ou actuels Dark Fortress, ex ou actuels Asphyx, ex ou actuels Nagelfar, par exemple. Donc voilà, full true black metal avec une pochette d'album absolument extraordinaire. C'est en 2022, ça devrait être banni ce type de visuel. En fait, on croit que c'est une photo volée pendant une session promo et tant on en fait une pochette d'album, vas-y, ok, ça part. Absolument terrible. Total Hérésie, c'est complètement l'album porte vraiment bien son nom quand on voit la photo. Hall To the Realms of Kernunos, le titre de Trinitas qu'on s'écoute tout de suite est Hands Up Motherfucker. Can't live, but you can't stay here. Vous êtes toujours à l'écoute de d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton. On va bientôt rendre l'antenne après 2h30 généreuses d'émission de live and direct de musique. On se quitte avec la toute dernière doublette de ce soir, une doublette extrême hein, pour ne pas déroger à la règle. Tout d'abord, Faetooth, formation féminine venue des US, de Los Angeles plus précisément. Ah oui, c'est vrai que je parlais d'extrême, mais on est sur Doom avec des parties plutôt rocailleuses, presque Doomgaze par moment, des fois un peu plus Arch Sludge pour Faetooth. Le titre de l'album Remnants of the Vessel. Et en doublette et en clôture avec Faetooth, Casket Robbery. On est sur du Brutal Death qui nous vient également des US. Second album studio intitulé Rituals of Death. Et dans Casket Robbery, c'est une femme qui tient le micro et putain qu'est-ce qu'elle arrache. Faetooth, le titre Discarnate, Casket Robbery pour clôturer l'émission de ce soir. Return to the Sky. Sur ce, excellente fin d'écoute à toutes et à tous, excellente fin de soirée, très bonne semaine, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé, et surtout, n'oubliez pas la soirée de mardi aux Canadiennes, soirée Catharsis, hein, Terror Hammer et Witchcraft pour une soirée placée sous le signe du OUH.